petite ville. On était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyrène. La coop, le casse-bord, la gaspop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'on construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me v'lant un beau joie le vert. Ça avait l'air de valge le verra. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Oh, yeah! Une bonne journée, j'ai retourné avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat qui va passer un mauvais quart d'heure. Centre d'achat sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des ticus en bicycle, des cousines en visite. Hey! Ça noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va tomber mal, sa rue principale. Depuis qu'on construit le McDonald's. Ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le motel est démoli. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Oh, yeah! Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Il va passer un mauvais quart d'heure. Wow, regarde là, je vais faire un solo. On était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaspard, la gaspop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat.